qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, le dernier danse. Pour oublier ma peine immense.